Sur un autre sujet, donc on reste à Saint-Germain, mais on va changer un peu l'échelle de lecture et l'échelle sociale, je dirais, puisqu'on va pas parler tellement des figures royales ou de manière en tout cas indirecte dans les stratégies. On va aborder ce que j'aime appeler la société des gens de guerre du XVIIe siècle, puisque, Annick vous l'a dit, j'ai eu la chance de diriger une opération assez fantastique en 2011 et 2012, et on a terminé le premier travail auquel j'étais attaché, c'est celui de rendre un rapport d'opération qui a été donc déposé l'année dernière, en 2015, au service de l'État. Rapport de près de 4000 pages, qui va être transformé lors d'un travail de réécriture en publication synthétique, hein, d'ici à 2018, j'espère. On a donc eu l'occasion de fouiller un site assez considérable qui permet d'ouvrir un chapitre assez nouveau en matière d'archéologie moderne, celui de la guerre de siège. On avait des données assez éparses à travers l'Europe, au Luxembourg, en Belgique, dans le nord de la France, sur ces questions-là, des données très ponctuelles qui ne permettaient pas réellement de traiter de ce sujet de manière volontaire. Alors Saint-Germain a un peu changé la donne puisqu'on a fouillé à Nigvadi 28 hectares et qu'on a accumulé des données considérables sur le sujet et que pour l'instant, faute de concurrents, faute de combattants, le site est le site de référence en matière d'archéologie de guerre de siège pour le XVIIe siècle, pour la fin du XVIIe. Alors, je vais vous montrer une carte tout de suite, hein, mais on est à Saint-Germain, sur le territoire de la commune de Saint-Germain, mais en réalité on est sur la plaine d'Achère, c'est la plaine dite la plaine agricole d'Achère. Donc on est en bordure de Seine. Le camp, donc, alors je vous livre une synthèse de ce travail, donc ça veut dire qu'il y a à la fois des données qui sont issues de l'archéologie, des données qui sont issues des sources écrites, cartographiques, iconographiques, et que mon propos est une synthèse de tout ça. Donc on en rediscutera si vous le voulez après. Cette confrontation, cette interdisciplinarité qui s'est aussi associée à la bioarchéologie, à la géoarchéologie, à l'archéogéographie, c'est un travail qui a vraiment été assez complet et que je vous livre de manière synthétique, mais j'essaierai de faire le tri entre l'apport de chacune des sources, mais j'aurai pas forcément le loisir de le faire à chaque fois. Précision chronologique et sociale, entre guillemets, le Fort Saint-Sébastien, donc on sait qu'il est créé en 1669, on n'a aucune date antérieure à celle-là, et vous allez comprendre pourquoi. Il fonctionne pendant deux campagnes, en fait on a deux campagnes successives de préparation à la guerre du siège, 69 et 70, et en totalité, les deux occupations militaires, donc qui sont des occupations saisonnières, printemps-été, ne totalisent pas 6 mois d'occupation sur les 2 années. Et ensuite, il y a rebouchage de l'ensemble et disparition des deux sites. Donc, ce que je vous livre, ce que livre l'enquête archéologique, c'est une réactivation, la réactivation, de la mémoire d'un travail de récollection d'informations sur un site dont on ne savait rien, ou presque. En tout cas, on avait le souvenir d'un fort Saint-Sébastien. Il y a un document aquarellé conservé à la mairie d'Herblay qui permettait de conserver ce souvenir, mais finalement, c'est l'enquête archéologique qui a permis de réactiver cette mémoire, d'aller chercher les données, y compris dans les sources d'archives, d'exhumer des documents absolument inédits, y compris aux archives nationales, sur un aspect de la guerre de siège qui n'intéressait pas tellement les historiens. J'avance parce que sinon je sens que... Alors, précision, 1669, on sait qu'il y a à peu près 9000 soldats, donc c'est la maison militaire du roi. Ce sont les maisons militaires royales, essentiellement celles du roi, mais il y a aussi celles de la reine, du dauphin, etc. 1669, on sait qu'il y a à peu près 9000 soldats. 1670, on est sur une estimation qui est assez large, en fonction des sources, qui est de 16 000 à 30 000 soldats, 30 000 étant, à mon avis, le moment de rassemblement avant le départ pour la campagne de Lorraine et la campagne de Hollande. Donc c'est vraiment, à mon avis, l'effectif maximal. En sachant que la deuxième campagne, à mon avis, ils doivent passer un mois sur le camp, pas plus. Alors, la plaine d'Achère, en fait, la plaine agricole d'Achère, c'est un objet d'étude assez fascinant, y compris pour l'archéologie contemporaine. C'est une plaine qui est aujourd'hui assez enclavée. En tout cas, la boucle de la Seine est assez enclavée. Et on s'est aperçu à l'issue du travail archéogéographique que c'était en réalité le fruit des efforts de Louis XIV et de Louis XV. Notamment dans un processus dont je ne parlerai pas tellement, mais d'appropriation du domaine forestier pour les chasses du roi. Donc cet enclavement de la boucle de la Seine, c'est l'héritage d'une pratique d'appropriation, de privatisation, comme disait ma collègue Émilie Cavanna, de la boucle de la Seine pour les chasses. On a pu observer, on a fini par comprendre, parce que c'était un processus assez long, puisqu'en fait on mélangeait systématiquement le fort Saint-Sébastien et le camp d'Achères. On parlait du camp d'Achères pour nommer le fort Saint-Sébastien et on pensait que c'était la même chose. Et on s'est aperçu en réalité qu'il y a eu trois camps militaires dans un mouchoir de poche chronologique sur cette boucle. Donc un premier camp dit de la Borde, alors j'ignore la date de création, mais qui visiblement est abandonné en 1668 parce qu'on sait qu'on dépouille une partie du camp de la Borde pour habiller le fort Saint-Sébastien, notamment pour les moulins à farine, les canons et je ne sais quoi d'autre. Le fort Saint-Sébastien, en réalité, c'est deux camps successifs. Le fort Saint-Sébastien de 69 et le camp de Saint-Sébastien de 70, puisque vous allez voir que ce sont deux ouvrages différents, qui fonctionnent donc sur deux campagnes distinctes et successives, puis le camp d'Achères, qui lui fonctionne sans doute entre 1678 pardon, et 1683, avec un point d'interrogation, puisqu'il faudrait de plus amples enquêtes, situé donc vraisemblablement en face de Poissy, et qui fonctionne, donc vous remarquerez qu'on a trois ensembles distincts, enfin, séparés par de courts hiatus qui correspondent aux périodes de guerre. C'est-à-dire que c'est des camps qui ne fonctionnent que pendant les périodes de paix. Et on en reparlera après pour la rationalisation des pratiques militaires, mais on est dans l'émergence de ce qu'on appelle l'armée de métier, puisque c'est la première fois depuis longtemps qu'on continue à payer du personnel militaire, des soldats en période de paix, pour maintenir des troupes mobilisées, pour les préparer. Et vous allez voir que la préparation, je ne parle pas de camp d'entraînement, parce qu'en réalité, pour moi, c'est beaucoup plus vaste que ça, et c'est plus complexe. Le fort Saint-Sébastien et le camp Saint-Sébastien sont des objets hybrides, à la croisée des notions d'entraînement pour les troupes, pour notamment qu'on entraîne essentiellement aux manœuvres, hein, à la gestion, à l'exercice des armes, etc. Mais je pense que d'abord, l'entraînement, c'est celui des manœuvres. On ne rassemble pas 9 000 soldats ou 16 000 soldats juste pour les entraîner à utiliser des piques ou des mousquets. Je vous parlais de la notion d'entraînement ou de préparation. Je préfère celle de préparation parce qu'en réalité, c'est à la fois la préparation et le test de la capacité opérationnelle de l'armée de Louis XIV. Et quand je parle de capacité opérationnelle, c'est une espèce d'expérimentation grandeur nature de la capacité logistique à approvisionner un camp considérable aux portes de Paris. Et c'est pas simple. Même aux portes de Paris, quand on se plante sur les réseaux d'approvisionnement de la capitale, c'est quand même pas simple d'approvisionner un camp, notamment en matière de fourrage. On en reparlera. C'est un camp qui est à la fois une vitrine c'est une démonstration de force et une vitrine de la guerre de siège adressée à la cour, aux ambassadeurs et à la société française, mais je pense en particulier à la société de cour. On en reparlera aussi. Enfin, Louis XIV, il fait les revues des troupes, il passe les troupes en revue, et voilà, c'est une espèce de grand spectacle à ce moment-là qui est rapporté dans les almanachs, dans le Mercure Galant et autres documents rédigés par les chroniqueurs de l'époque. Et on est donc une espèce d'objet hybride entre c'est un laboratoire des pratiques militaires, c'est une vitrine, c'est un camp d'entraînement, voilà, c'est une espèce d'objet très particulier qui rassemble des enjeux convergents, mais pas uniques. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un camp qui est juste là pour permettre l'entraînement et la préparation tactique. J'avance. Très rapidement, évidemment, donc on a fouillé 28 hectares, je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, alors vous devinez, derrière moi, ça ne sort pas toujours très bien, la taille des pavillons qui entourent le terrain, qui vous donne la mesure du terrain qu'on a fouillé. Donc 28 hectares, c'est près d'un kilomètre de long, sur ce côté-là, le long de la route centrale. On est une surface assez considérable. Je ne connais que Château-Giron en Bretagne qui a été fouillé sur 25 hectares. On a pu mettre en évidence une partie des campements, mais pas la totalité. Et vous allez comprendre pourquoi. Et on a pu mettre en évidence aussi, alors ce que j'ai ici présenté, ce sera ma seule mention d'un phasage chronologique sur la longue durée, parce qu'en réalité, on a mis en évidence des vestiges contemporains, ceux du maraîchage du 19e et 20e siècle, qu'on a cartographié et en partie testé, c'est tous les éléments en vert. Les éléments modernes liés à la fortification, à la polyhersétique, à la castramétation des troupes de Louis XIV, donc ce sont les éléments en bleu, sur lesquels on va revenir. La nécropole de l'âge du bronze, qui est ici en rose, avec plusieurs monuments funéraires constellés de sépultures avec des dépôts divers et variés. Donc ça, c'est aussi un site assez exceptionnel pour les Yvelines et pour le nord de la France. On en reparlera si vous le souhaitez. Et puis des vestiges néolithiques qui sont cartographiés de manière très ponctuelle, mais qui sont dans ce secteur-là, notamment un petit menhir abattu, une petite pierre dressée abattue de la phase néolithique, la période néolithique. Alors, on se concentre sur la période moderne. Je vous ai donc dit, nous avons mis en évidence deux fortifications distinctes. On le savait dès le diagnostic qui a été réalisé en 2010. Hein. Ce n'était pas une surprise quand on a commencé à fouiller. La surprise, c'était de constater, grâce à la confrontation avec les données d'archives, qu'en réalité, c'était deux campagnes distinctes séparées de 6 mois. Ça a été une surprise assez considérable. Enfin, le collègue qui a réalisé l'étude d'archives m'avait prévenu qu'il fallait que je m'asseye avant de me dire qu'on avait la preuve que le premier camp fonctionnait en 69. Pendant l'hiver 70, on a démoli le premier camp, on a préparé la construction, les terrassements du second camp, et en 71, on rebouchait la totalité. Pendant l'hiver 70-71, on rebouchait la totalité. C'est-à-dire qu'on a deux exercices très différents, à deux échelles très différentes, mais qui sont vraiment resserrés dans un mouchoir de poche assez exceptionnel. C'est-à-dire que c'est quand même rare en archéologie de pouvoir réfléchir sur une échelle temporelle aussi courte. En général, on réfléchit à 15 ans, 25 ans près. On travaille sur des processus, sur des phases, pas sur des dates. Donc c'est vraiment un cas assez particulier. Alors imaginez la qualité du référentiel de mobilier, notamment pour la céramique et j'en passe. Puisqu'on a une datation à quelques années près, il y a des contextes parisiens du XVIIe qui ont été datés il y a 20 ou 25 ans. Et Fabien de Ravoir, présent hier, disait qu'on peut rajeunir ces contextes de 25 ans aujourd'hui, grâce à la fouille de Saint-Germain, parce que la céramique, le matériel issu de la fouille, est celui de la société du XVIIe siècle. Il n'est pas spécifique aux troupes de Louis XIV. C'est pour ça que c'est intéressant comme site aussi. Alors, le premier camp, c'est ce que je vous ai matérialisé en bleu. C'est la campagne de 69. On a donc je dirais une fortification presque comme dans les livres, et même dans les livres du XVIIe siècle, c'est-à-dire une fortification alors, rectangulaire. Moi, je sais on sait qu'elle est rectangulaire. Elle était au départ supposée être carrée, avec donc un front, la totalité du front sud dégagé d'un bastion à l'autre. Les redans qui viennent flanquer la demi-lune, qui elle-même protège l'entrée, la porte sud, avec un petit corps de garde dont on reparlera et tout un tas d'autres éléments. Les éléments de campement des troupes à l'intérieur, dont on va reparler, qui sont les éléments en bleu, qui s'articulent, et vous devinez déjà, des grandes orientations parallèles à la fortification ou perpendiculaires. Et un second camp qui s'implante dans le courant de l'hiver suivant et dans le courant du printemps, hiver-printemps suivant. C'est la fortification, les éléments en jaune orangé, voilà, presque marron derrière moi, qui sont donc ici, on en reparlera, une circonvallation, donc une grande fortification plutôt linéaire avec les éléments de campement qu'on appelle enfin, les éléments de la castramétation qui sont déployés en front de bandière, selon le terme adapté, le long de la fortification. Alors, le camp de 1669, le fort Saint-Sébastien, c'est l'hypothèse, c'est une hypothèse qui est même plus qu'étayée maintenant, c'est sa restitution, c'est sans doute la partie verte. Donc c'est tout le front sud qui a été fouillé, et pour la partie nord, il faut se concentrer sur la partie verte. Donc on vient s'appuyer sur le bord de la Seine. On a sans doute un port Saint-Sébastien, enfin c'est sans doute, on a la mention d'un port Saint-Sébastien qui colonise une partie de l'île d'Herblay qui est en face, de l'île Saint-Martin, avec un pont de bateau qui permet le franchissement de la Seine et une forme d'occupation, de fréquentation de la rive opposée du côté d'Herblay. En termes de taille, c'est quand même impressionnant, même si vous allez voir que la seconde fortification permet de relativiser. Le premier camp, si je considère seulement la partie interne, c'est une surface de 32 hectares. C'est un camp miniature. C'est-à-dire qu'on est vraiment, on est en dessous de la réalité d'une armée en campagne. Mais ça reste 32 hectares. En réalité, je pense qu'on a fouillé, donc nous on a fouillé cette partie-là, on a fouillé moins d'un quart de la surface totale, en ayant fouillé 28 hectares. Ce qui veut dire que si on avait dû fouiller 1 ou 2 hectares, même 10 hectares de cette surface-là, on n'aurait pas compris le tiers de ce qu'on a compris à l'échelle de cette guerre de siège et de cet effort militaire du XVIIe. La seconde fortification, non, bah, je vais on en reparlera après, la seconde fortification, pour vous montrer que c'est un changement d'échelle qui est aussi un changement stratégique, c'est vraiment un exercice très différent. C'est cette fortification en arc de cercle, munie de redans et de bastions également, et de quatre portes, comme le premier camp, mais dans un genre un peu différent. C'est une fortification qui couvre 192 hectares. Donc on change d'échelle, on change de taille et on change de type d'exercice. On est vraiment dans le concept de la circonvallation, on est vraiment dans la notion de guerre de siège offensive, on est dans la position de l'armée qui attaque au pied de Maastricht, au pied de Tournai ou d'autres villes à travers la Lorraine, le nord de la France, les Flandres, le Luxembourg et j'en passe. Donc on est vraiment... Pour moi, le changement d'échelle, c'est un changement stratégique, c'est qu'on est dans la prépa. Là, en 70, on sait que Louvois, l'état-major, Louvois, Vauban, etc., et Louis XIV et son entourage ont décidé d'envahir en 70 la Hollande. On sait qu'ils sont déjà dans la guerre est déclarée en 72, mais en 70, on est déjà dans la préparation, on est déjà dans l'anticipation de ce conflit, en tout cas de cette avancée vers les territoires. Alors, le mode de campement, les modes de castramétation sont à peu près les mêmes d'un campement à l'autre. Les structures sont les mêmes d'un campement à l'autre, puisqu'on va les déplacer, on va suivre les orientations de la fortification, mais ce sont les mêmes types de structures. Donc on a mis en évidence, alors je ne vous l'ai pas dit, mais sur la totalité des éléments fossoyés, donc des fossés fouillés, on a fouillé près de 2 km de fossés. Et vous allez voir que ce n'est pas des petits fossés. C'est considérable. C'est vraiment, enfin c'est là, on a, nous, les remueurs de terre, comme les appelait Vauban, ont passé leur temps à terrasser, mais nous aussi. On a terrassé les fossés du début jusqu'à la fin de la fouille, on a passé 10 mois sur le terrain. Et pendant 10 mois, on a gardé la pelle mécanique de 35 tonnes pour fouiller les fossés. Et elle a travaillé tous les jours sur les fossés, cette pauvre pelle mécanique. C'est vraiment un effort considérable, et on reparlera des moyens de terrassement, parce qu'on avait calculé... l'effort humain, le besoin en main-d'œuvre que ça représentait. Alors, on a fouillé, alors je ne pourrais plus vous donner les chiffres, mais on a fouillé 3500 structures de campement, fossés compris, les latrines, les fosses à cuire, donc des espaces de cuisine en batterie, les écuries sur poteau, cas assez dérogatoire par rapport à la règle des traités militaires, les celliers pour stocker les vivres, notamment des vivandiers et des marchands qui sont installés dans le camp. Le corps de garde que vous voyez ici sur la première forme du fort Saint-Sébastien et dont on reparlera, des structures diverses et variées dont je n'ai pas le temps que je peux seulement évoquer. Et surtout, on en reparlera un petit peu, même un peu rapidement, les tranchées d'approche qui sont ici, qui sont un cas assez unique, même rarissime, de tranchées d'approche mises au jour en archéologie. Alors, le terrassement, je vous l'ai dit, pour nous, ça a été un travail assez considérable, passionnant. Ceci dit, alors je me concentre d'abord sur le premier fossé, enfin sur la première fortification, et puis on reviendra à la seconde. Vous le voyez, c'est un peu ce que je viens de vous dire, c'est que le terrassement, il est à l'échelle de la guerre de siège. Donc pour nous aussi, il a été à l'échelle de la guerre de siège, pelle mécanique, terrassement mécanique permanent. Pour vous donner une petite idée de l'échelle, puisqu'elle n'est pas forcément facile à appréhender, la mouche noire qui est en haut de cette photo-là, c'est la pelle mécanique. Et ça, c'est ici, là, on est sur une partie du front sud avec un des redans du front sud de la première fortification. Et ce qu'on devine très mal de ce côté-là, c'est l'angle du bastion qui est en cours de fouille, qui n'a pas encore été dégagé. Là, vous avez le bastion sud-est, dans mon souvenir, sud-est, oui, donc vers Maison Laffitte, en cours de fouille. Et mes collègues, à l'intérieur du fossé, d'un fossé qui fait 7 à 12 mètres de large pour 3 mètres de profondeur. Donc c'est quand même voilà, c'est un terrassement qui reste important même avec des moyens mécaniques. Très rapide visualisation. Alors nous, évidemment, on n'a que les éléments creusés et conservés en sous-sol, mais il faut faire un effort intellectuel pour représenter une fortification en élévation. Je vous l'ai dit, 3 mètres de fossé, 3 mètres de profondeur conservés. En réalité, alors on a utilisé les volumes de terre en 3D pour les projeter sur l'escarpe et restituer ces volumes de terre et cette artificialisation, cette structuration de la Terre comme structure fortifiée, c'est on considère que par rapport au volume de Terre acquis, on a, alors dans mon souvenir, je suis désolé, mais je n'ai pas travaillé dessus depuis un an, donc c'est un peu loin. Voilà, c'est 5 mètres. On a à peu près 5,50 m de largeur pour le rempart, entre 3 et 4 mètres de hauteur, en comptant le parapet qui est ici. Donc on a une espèce de masse, c'est une fortification de terre et de bois, puisque ce qui permet de constituer le rempart, c'est la terre issue du fossé, rejetée sur l'escarpe, structurée avec des gabions et des éléments de bois, des fascines et autres éléments de bois pour structurer et renforcer ce rempart. Alors, je vous passe le détail sur les glacis et autres éléments, autres volumes de terre utilisés pour constituer la fortification. Côté ville et puis côté campagne, encore que côté campagne, je ne suis pas du tout sûr qu'il y ait eu un glacis, même j'en doute fortement. Je passe très vite, vous m'excuserez. Une des découvertes majeures de cette fouille, j'y réfléchissais tout à l'heure, je me disais que je crois que c'est une des plus belles émotions que j'ai eues en archéologie ces 20 dernières années, c'est de s'apercevoir en commençant à fouiller le fossé que la totalité de l'escarpe était revêtue d'un chemisage en argile crue. L'argile crue, on en parlait il y a quelques jours, la terre crue de manière générale est assez mésestimée, assez sous-estimée dans l'utilisation des pratiques architecturales, en particulier dans le nord de la France, et je pense qu'elle est en cours de réévaluation. On ne s'attendait pas du tout à trouver une telle technique de protection de l'escarpe sur une fortification du XVIIe siècle, encore moins quand on s'est aperçu que c'était une maçonnerie, qu'elle respecte les techniques de la maçonnerie, les techniques les plus rigoureuses, c'est-à-dire que quand on rentre à l'intérieur du matériau, on s'aperçoit que les soldats comme nous voyaient un revêtement lisse, dans lequel on devinait les lignes de fuite liées aux assises, de réglage. En réalité, quand on rentre à l'intérieur et qu'on outrepasse la fouille de ce matériau, on s'aperçoit que c'est une maçonnerie réglée, avec des assises régulières, j'allais dire un appareil plus ou moins régulier, parce qu'en fait, on s'adapte au terrain, on est sur un matériau utilisé frais et humide, qui est sans doute monté au moment de la saison printanière. La grande surprise quand on coupe cette maçonnerie, c'est de s'apercevoir qu'en réalité, on n'est pas sur des blocs. Alors, il n'y a pas de gabarit, ce ne sont pas des briques, j'ai appelé ça des mottes, des modules, puisque ce ne sont pas des éléments façonnés, ce sont des éléments débités dans la plaine alluviale d'Achères. On pense à peu près savoir où dans la plaine, puisqu'on a fait des modélisations de surface d'extraction sur des profondeurs, etc. Enfin, je vous passe tous les détails de la bioarchéologie qui nous a fourni les analyses, parce que j'y passerai 3 heures. Je vous inviterai à relire un article publié récemment dans Archéopage. Ces éléments, ils sont prélevés directement à l'aide d'une bêche, d'un louchet ou d'une bêche pour aller permettre de quelques coups très rapides la taille, je dirais, la découpe d'éléments triangulaires mis en œuvre selon une technique de maçonnerie assez rigoureuse. Et assisé à l'arrière, réglé à l'arrière par des épaisseurs différentes de sable grossier qui est directement pris dans la terrasse. Et en fait, la maçonnerie, ce n'est pas seulement la masse d'argile crue, ou de limon carbonaté, si je voulais être plus exact, c'est toute cette masse-là. Le massif de maçonnerie, c'est tout ça. Voilà. Alors, c'est une technique, et je l'ai écrit dans le rapport, et je l'ai écrit dans l'article d'Archéopage, et je le réécrirai parce que j'en suis de plus en plus persuadé. C'est une technique à l'économie, certes, mais c'est aussi une technique qui est spécifiquement utilisée par les Hollandais pour s'adapter à des terrains mous, humides, parce que l'avantage de ce matériau, c'est qu'il d'abord il absorbe les chocs plus qu'aucun autre, et surtout qu'il est beaucoup plus léger. Donc il y a une inspiration très nette de techniques qui sont connues par les Hollandais à l'époque. Je passe rapidement. Les tranchées d'approche, aussi, je vais passer rapidement, et puis vous les reverrez dans le documentaire. Je ne vous fais pas l'outrage de vous expliquer en quoi elle consiste et comment elle fonctionne. Je vous renverrai vers les traités de Vauban et vers les différents ouvrages qui ont été abondamment publiés à ce sujet. On est dans un exercice tactique de la guerre de siège. On est dans l'exercice de la prise du bastion sud-ouest. Donc on a des tranchées qui se déploient de manière assez anarchique, a priori, autour du bastion sud-ouest. C'est la première fois qu'on met en évidence des tranchées d'approche archéologiquement. Donc les historiens de ces pratiques-là étaient assez admiratifs et assez fascinés. En réalité, ce qu'on met en évidence ici, c'est un jeu, je dirais, c'est les dernières tranchées d'approche les plus dangereuses, hein. C'est sans doute un prototype de la technique des tranchées d'approche, puisqu'on est en 1669, qu'elles sont testées par Vauban depuis la fin des années 1660 et au début des années 1670. Elles sont théorisées par Vauban jusque dans les années 1680 et au-delà, hein. D'ailleurs, son traité de théorisation est célébrissime. Et la première fois qu'elles sont mises en pratique dans un contexte de campagne militaire, c'est en 1673. Le Vauban l'écrit lui-même, ça veut dire qu'on est 4 ans avant la première mise en pratique. Donc on est sans doute sur un prototype un peu maladroit, un peu de quinconce, parce qu'en réalité, on a sans doute la dernière parallèle qui est ici. Associée qui permettrait le déploiement d'une autre série de petites tranchées d'approche vers la porte de côté ouest. Hein. On est sur un exercice qui ne correspond pas tout à fait à la théorisation, mais en réalité, on est avant la théorisation. En tout cas, ça, c'est l'effort de théorisation, c'est un des exercices. C'est pour ça que je parle de préparation et pas d'entraînement, parce qu'en réalité, vous voyez bien que l'expérimentation, ce n'est pas seulement les soldats qui s'entraînent à la manœuvre. C'est aussi l'expérimentation des tactiques et des stratégies qui seront mises en place après. Dans les années suivantes, mais je dirais dans les décennies suivantes. Voilà. Je regarde ce que j'ai. Voilà, c'est ça. Alors, très rapidement, je ne sais pas du tout quelle heure il est. J'ai pris un chronomètre, mais forcément, ça va, j'ai encore un peu de temps. Je me dépêche. Vous avez ici le front sud de la première fortification avec les Redans et la demi-lune. On a compris, pareil, au terme d'un processus assez long, parce qu'en réalité, on s'est aperçu. Sur le terrain, on s'est très vite aperçu que les écuries étaient très visibles. Elles sont construites sur charpente, on va le revoir, donc on a des bâtiments relativement lisibles. On a très vite compris que les petites structures, les fosses, les petites structures de combustion qui s'articulaient, qui s'alignaient le long des écuries, c'était les campements des cavaliers. Et on a lutté ensuite pour comprendre où se trouvait l'infanterie. Et en réalité, l'infanterie, elle est invisible. Elle est invisible, sauf il nous a fallu un petit moment pour comprendre que l'infanterie était répartie sur ce premier camp, au centre du camp, dans l'alignement des portes, dans les angles. Donc c'est mes carrés orange que je pense que vous voyez pas les légendes de là où vous êtes, moi non plus d'ailleurs. Vous avez les carrés orange qui représentent l'infanterie, hein, ici. L'infanterie est toujours retranchée derrière les zones de cuisine, donc derrière les batteries de fosses à cuir qui permettent d'alimenter les compagnies en nourriture, notamment en viande et en pain. Et vous avez les zones en bleu qui représentent les vivandiers, c'est-à-dire les zones de marchands qui sont autorisés à vendre, à ravitailler, je dirais, les soldats et les troupes. Donc essentiellement l'infanterie, on voit que tout ça, c'est vraiment très, très, très exigu. Il y a une forte promiscuité je dirais, des parties les plus odorantes, les plus bruyantes du camp, c'est-à-dire l'infanterie et les vivandiers. Les cavaliers, eux, sont toujours les troupes de cavalerie qui sont les troupes de la maison du roi, c'est l'élite de l'armée royale, hein, souvent. Ils sont beaucoup mieux traités, et on va le voir notamment, on va y revenir, on va le voir au niveau des latrines. Pour l'accès aux latrines. Est un critère de distinction sociale sur le camp. Alors, vous avez donc ici, vous allez, mince, on va le regarder. Pardon, je suis perdu, ça y est, hop. Oui, je vais vous le montrer sur cette image-là, parce que même s'il y a une partie qui est l'hypothèse de restitution, ça se voit un petit peu mieux. Vous avez une alternance des campements de. Alors, les campements de cavalerie sont les trucs bariolés en vert et rose, hein, qui sont. Vous avez si je ne me trompe, je réfléchis. Vous avez, voilà, les écuries qui sont les bâtiments roses, les campements de cavaliers qui sont les rayures vertes, et en fait, vous avez toujours des campements de cavaliers dos à dos qui flanquent systématiquement les écuries. Donc les cavaliers et les chevaux sont toujours en cohabitation étroite. Et je vous l'ai dit, vous avez du coup, si on répète le modèle du front sud, au front nord et puis est et ouest, on a cette modélisation qui permet de montrer une articulation presque à la romaine, à l'antique, d'un camp où l'état-major serait placé au centre avec, alors on le sait parce qu'on a quelques documents qui le précisent, mais c'est très très imprécis, des chapelles qui sont disposées de ci, de là, sur le camp. On sait, grâce aux documents d'archives qui sont plus nombreux pour le second camp, que l'hôpital, l'aumônerie, le cimetière, le magasin de poudre principal se trouvent sur l'île d'Herblay. Alors, soit sur l'île Saint-Martin, soit sur l'île d'Herblay. Donc, on a créé des succursales un petit peu plus loin, à l'extérieur de l'enceinte du fort. Je passe rapidement. Alors, je vous montrerai quelques structures parce que je vous en verrai pendant le documentaire. Du coup, je n'ai pas mis trop de structures parce que le temps tourne. Des structures en cours de fouille. Ici, une des fosses à cuir que vous voyez partiellement, parce qu'en fait, elles sont beaucoup plus longues que ça. Une des fosses à cuir qui s'organise en batterie, qui permettent la cuisson des quartiers de bœuf essentiellement, qui permettent le rationnement des soldats. Ces fosses à cuir ici que vous retrouvez, alors selon des modules différents qui peuvent être plus ou moins allongés, mais que vous retrouvez ici en alignement. Et mes collègues en train de les fouiller vous donnent l'échelle, hein. Vous voyez que ce ne sont pas des petites structures. C'est des structures qui ont livré énormément de mobilier, puisque toutes les structures creusées sont celles dans lesquelles ont été rejetés les reliefs de la vie des soldats quand on a rebouché le camp. Donc c'est là-dedans qu'on a retrouvé les objets du vêtement, les pipes en terre cuite, la céramique, les restes de faune, de poisson, j'en passe. Les petites structures de combustion en forme de fer à cheval qui sont très très fréquentes dans les quartiers, dans les campements des compagnies équestres, des compagnies de cavaliers. C'est les petites structures de combustion qui nous ont permis de donner les alignements des campements de cavaliers, parce qu'en réalité, l'infanterie, c'est pour ça que les tendibles n'ont pas le droit de faire de feu. Le cavalier a le droit de se réchauffer, de faire réchauffer sa papote, d'avoir un petit peu de lumière. L'infanterie, il n'y a pas le droit de feu. Enfin, les risques de feu sont trop importants dans des troupes qui sont rassemblées en carré, dans une exiguïté maximale. Voilà, on a les structures de combustion, c'est le marqueur des troupes de cavalerie sur ce camp. Et on n'a pas compris tout de suite. Hein. Je vous livre ça de manière. Ça a l'air très facile, mais en fait, il a fallu qu'on se creuse la tête pour savoir pourquoi on avait des structures de combustion dans certaines parties du camp et pas d'autres. Et puis les latrines, dont on reparlera, je ne sais pas si j'ai une diapo qui vient après, qui sont des latrines tonneaux. Donc ce sont des. Attendez, je regarde parce que je ne sais pas s'il y en a une qui vient après. Non, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr de l'avoir mis, j'ai dû la retirer lors d'une dernière conférence. Ce sont des latrines tonneaux, donc c'est des gaines de tonneaux qui sont emboîtées les unes dans les autres sur 5 mètres de hauteur. Sur 4 à 5 mètres de hauteur, et qui permettent de construire des petits bâtiments, des petites baraques en bois au-dessus. Donc, on a des petites baraques à l'intérieur desquelles vous allez avoir 4 à 8 sièges contigus. Donc, pour l'intimité, on repassera évidemment. C'est pire dans l'infanterie que dans la cavalerie, évidemment. Les latrines des cavaliers étant dans les écuries, alors que vous allez le voir après sur le deuxième camp, les latrines de l'infanterie sont en batterie aussi, comme les cuisines. On a à l'intérieur de ces gaines de bois dont on a conservé la trace, puis prélevé tout au fond, parce qu'il y a un curage extrêmement régulier des latrines pour récupérer les excrétats qui font partie des émoluments des officiers. C'est-à-dire que c'est le moyen d'arrondir ses fins de mois, c'est de récupérer et de revendre le contenu des latrines. Donc elles sont curées. Heureusement, dans certaines des latrines, il reste 30 ou 40 cm de dépôt qui nous a permis de faire des prélèvements parasitaux. Qui ont permis d'abord de démontrer que c'était bien des latrines, et puis ensuite de faire d'autres découvertes dont on parlera en paléogénétique. Hein. Mais voilà, ces latrines, elles ont été curées abondamment, et il faudrait que je vous en, enfin, si vous le vouliez, je pourrais vous envoyer un courrier d'un contentieux entre les officiers qui se disputent le contenu des latrines, ou le fruit du contenu des latrines. C'est-à-dire que c'est un. Enfin, vous passerez le jeu de mots, vous m'excuserez le jeu de mots. C'est un commerce qui est tellement juteux qu'en fait, ça crée des tensions très vives entre les officiers, les sous-officiers et les soldats. Normalement, le liquide est dévolu aux soldats. Le solide, alors je ne sais pas sur quels critères, est dévolu en partie aux sous-officiers et aux officiers. Et en fait, voilà, c'est très intéressant. Ce site est un cas de figure fascinant de l'économie du recyclage. Du bois, des fumures, des excrétats, tout est recyclé, tout est récupéré, tout est revendu. C'est au moment du démontage du camp et entre les deux phases de démontage, entre la phase de démontage du premier pour le remontage du second, il y a une espèce d'économie du recyclage et de la réutilisation qui montre de manière très intéressante qu'en fait, le camp coûte très peu au roi. Parce qu'en fait, il fait porter toute la charge économique sur les vivandiers, sur les charpentiers, sur les différents corps de métier qui veulent travailler dans le camp parce que c'est une manne financière. C'est-à-dire qu'on les. D'abord, ils ont des taxes et des loyers à payer pour avoir le droit de vendre, pour avoir le droit de commercer, pour avoir le droit d'accéder au marché de charpenterie et de maçonnerie. Mais en plus, on leur fait acheter des matériaux pour d'autres corps de métier. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une espèce Il y a un système, il y a une espèce de système économique qui permet finalement, à mon avis, de rentabiliser assez rapidement le coût d'une telle construction, alors que finalement, sont des ouvrages qui vont durer 2 mois dans le meilleur des cas. Les écuries, dont je vous parlais, donc je passe assez rapidement, je vous renverrai vers l'article publié récemment. Les écuries, nous, on n'en a conservé que les poteaux, mais ça nous a permis d'avoir les rythmes de castramétation des chevaux, si je peux dire ça, avec des stalles qui nous ont permis de calculer de faire une estimation du nombre de chevaux et de le confronter à l'estimation qu'on avait faite à partir des textes. Donc on sait qu'on a entre. Alors, premier camp, il y a 36 écuries. Le second, on sait qu'on en a plus de 75. Et en tout, on a pour 9 000 soldats, on a 4 000. Non, je vous dis des bêtises. 9 000 soldats, je crois qu'on a autour de 1 800 chevaux pour le premier camp. Mais c'est 1 800 chevaux d'armes, donc il faut ajouter tout ce qui est chevaux de bât, les mules, les chevaux qui sont liés au transport, etc. Donc c'est seulement les chevaux d'armes. Deuxième camp, 16 000 soldats, on sait qu'on a au moins 4 800 chevaux d'armes. Et je révisais tout à l'heure, parce que je ne me souviens évidemment plus des chiffres, c'est une logistique considérable, le cheval. C'est ce qui détermine d'abord la saisonnalité des camps, les rythmes et la logistique des camps, parce qu'en fait, c'est ce qui pose le plus de problèmes en termes d'approvisionnement. C'est-à-dire qu'en termes de fourrage, il faut une telle quantité de fourrage et d'eau que on est obligé de réquisitionner pendant les 2 camps des bateaux sur la Seine, sur la Marne, les fourrages, les avoines, et qu'on n'en a jamais assez. Et que même aux portes de Paris, sur les réseaux d'approvisionnement parisiens, on a du mal, en période de paix, donc c'est même pas sous la pression de l'ennemi, on a du mal à approvisionner les chevaux. Et c'est un souci. Louvois, qui est un monsieur fascinant parce qu'il écrit beaucoup, donc il laisse des dizaines, des centaines, des milliers de lettres et de recommandations, est tout le temps en train de s'occuper de l'approvisionnement des chevaux. Et alors, Louvois, il est en plus, il est très, il est, c'est un monsieur qui nous a laissé beaucoup de documents parce qu'en plus, tout est contractualisé. Les contrats avec les munitionnaires du camp sont passés auprès de son propre notaire. Donc en fait, on a une documentation assez étonnante de la part de, grâce à Louvois, qui nous permet de. Alors, c'est une estimation qui vous donne. Alors, il faut la relativiser, puis surtout la mettre en relation avec les chiffres. Je vous disais 1 800 chevaux, 4 200, je vous ai dit, je ne sais plus pour le deuxième camp. C'est des rations journalières considérables, et à raison de 1 000 chevaux, il faut à minima entre 7 000 et 10 000 kilos de foin ou paille, et au moins 5 000 kilos d'avoine ou d'orge par jour. Donc en campagne, je sais pas, enfin, c'est un problème crucial pour toute la phase de la guerre de siège. Je pense que ça dure jusqu'en 1914, hein, d'ailleurs. On a encore beaucoup de chevaux. Les écuries, c'est vraiment ce qui détermine le rythme et la vie du camp. C'est vraiment voilà, le cas des écuries. Vous renverrez vers l'article publié récemment. Alors le second ouvrage, maintenant vous comprenez un peu mieux comment ça se passe, le front de Bandière. Première fortification, je dirais, annihilée, c'est-à-dire occultée. On rebouche les fortifications, on élimine tous les éléments de la castramétation précédente, et on recommence la même chose, selon des modalités un peu différentes, puisque la seconde fortification est un demi-cercle muni de portes et de bastions, qui fait 3 500 mètres de long. Donc on a plus de 3 km de fortification, ce qui est tout petit, parce que c'est une ligne de circonvallation en modèle réduit. Alors je ne me rappelle plus des chiffres exacts, je crois qu'à Lille elle fait 27 km, à Maastricht elle en fait 16. Donc vous voyez que ça reste de la modélisation miniature, même à cette échelle-là. Le front de Bandière qui se déploie en parallèle de la fortification, avec ce qu'on voit mieux ici, c'est-à-dire les écuries sur poteaux, toujours deux par deux au milieu, avec les campements de cavaliers qui s'alignent le long des écuries. On va le revoir après, je crois, parce que ce sera peut-être assez. Alors, à cette échelle-là, c'est compliqué, mais ici, vous avez toujours une écurie sur deux munie d'une latrine pour les cavaliers. Donc, c'est. Voilà, il y a tout, à chaque, tous les deux bâtiments, il y a une nouvelle latrine. Tous les deux bâtiments, vous avez un puits. Et puis, d'autres structures qui s'articulent. Hein. Vous avez vu qu'il y a toujours, même pour le premier camp, un grand boulevard de manœuvre vide de structures qui permet la circulation des chevaux, des hommes, des canons, et j'en passe. Et puis on change de rythme, on arrive sur le bastion, dont on a fouillé qu'une petite partie, puisqu'après on est hors de l'emprise de fouille. On a un changement de rythme très net, et on passe au campement d'infanterie. Donc on a la chance sur ce second camp, ce qui est plus visible que sur le premier, d'avoir à la fois une section complète de campement de cavalerie et une section complète de campement d'infanterie. Ce qui nous permet de comprendre, d'abord de distinguer les modes de castramétation, les modes de campement, et de comprendre. Je dirais de relativiser de la pénibilité de la vie de camp pour les cavaliers qui sont quand même mieux dotés notamment parce que l'infanterie, elle, est rassemblée dans des grands carrés, je crois que j'ai modélisé après, voilà, l'infanterie est rassemblée dans des grands carrés assez exigus. Les troupes sont rassemblées dans des tentes, ou en fait, on sait que ce ne sont pas des tentes, ce sont sans doute des huttes, donc des espèces d'éléments de branchages légèrement creusés, voilà, couverts de branchages. Donc on retrouve très peu de traces, on ne trouve pas de traces de ces éléments de campement, à proprement parler, contrairement aux cavaliers qui ne laissent pas les traces de tentes, mais qui laissent les structures de combustion et les petites fosses qui leur permettent de vivre. Ce que n'ont pas le droit de faire l'infanterie, pardon, les fantassins. Donc on a. Cette délimitation, elle est devinée grâce à la répartition en arrière des latrines, les latrines en batterie, par section de 4 ou 5 structures de latrines. Derrière les latrines, ou devant les latrines, si on va vers la fortification, vous avez les structures de combustion qui composent ces cuisines un peu rustiques. Oui, je termine. Enfin, après, de toute façon, sur le mobilier, j'irai plus vite. Et vous avez toujours pour l'infanterie un puits en avant, un seul puits pour l'ensemble des compagnies. Et vous avez ce modèle-là qui se répète sur la totalité de la fortification avec une alternance entre cavalerie, infanterie. Voilà. Et alors, vous le verrez dans l'article si vous le lisez, la construction de bâtiments sur poteaux pour la cavalerie, c'est complètement dérogatoire. Là, on est dans la vitrine de la guerre de siège donnée à voir à la cour. Aux diplomates qui s'inquiètent, d'ailleurs, on en reparlera si vous voulez, aux diplomates qui s'inquiètent de savoir ce qu'on prépare au Fort Saint-Sébastien et à qui c'est destiné, parce qu'en réalité, normalement, les cavaliers, les troupes campent comme à Maastricht, où là j'ai repris la célèbre toile de Van der Meulen, campent dans les mêmes conditions quasiment que l'infanterie, avec des chevaux qui sont à la longe le long des tentes, donc qui ne sont pas du tout protégés par des bâtiments construits. Donc on sent bien qu'à Saint-Germain, il y a une espèce de volonté d'en mettre plein la vue. C'est une démonstration de force. On montre les moyens et la capacité opérationnelle et financière de l'armée du roi. Je passe très vite. Un petit peu de mobilier. Alors, je l'ai dit en introduction, ce qui est très intéressant dans cette collection de mobilier assez complète, c'est qu'elle restitue les modes de vie et les. Je dirais, elle restitue la réalité d'une société très composite. La société militaire du XVIIe siècle, c'est une société qui est très, très empreinte des. Enfin, avec laquelle il y a une très forte cohésion avec la société civile. On n'est pas dans un univers cloisonné entre les militaires et la société civile, c'est-à-dire que les civils sont au camp, le camp est à la société civile, la cour est au camp aussi. Madame de Sévigné s'en plaint en disant que la guerre est à la cour à la guerre, et qu'on s'en sort plus, qu'on est systématiquement on est dans une culture de guerre, on baigne dans une culture de guerre. Louis XIV est très féru de ces questions-là. Et donc on a les assemblages de la culture matérielle qu'on a mis en évidence, qui, vous l'avez compris, nous renseignent sur les modes de consommation, sur les modes et les processus d'approvisionnement, sur les questions logistiques, sont ceux de la société du XVIIe. Et on a ici un échantillon de la vie du XVIIe dans toute sa complexité sociale, puisqu'on va du simple soldat jusqu'aux grandes élites royales, même si c'est évidemment ce qu'on n'a pas fouillé, puisqu'on n'a pas l'état-major, et que on a une espèce de panel, de spectre social assez vaste, qui représente les pratiques de distinction sociale des élites, et en même temps les modes de vie les plus rustiques des soldats qui viennent d'un peu partout dans le royaume, et même de l'étranger. Très rapidement, un petit peu de mobilier militaire. On en a peu, en fait. Si on n'avait pas eu les fortifications et cette organisation spatiale très, très particulière, il y a peu d'éléments dans la culture matérielle qui nous auraient permis de déterminer qu'on était sur un camp militaire, parce qu'en réalité, c'est la culture de la société civile, la culture matérielle, les modes de consommation. Voilà, il y a quelques marqueurs de ce caractère militaire, mais pas tant que ça. Donc on a, par exemple, ici, un compas d'artillerie. Oui, alors on est un compas d'artilleur. Ici, un moule à balles de mousquet, très pas restauré, donc évidemment très, très, très abîmé, avec quelques balles, des balles de plomb, on en a régulièrement. Les couverts en argent, des couverts en alliage cuivreux, etc. Ici, des étrilles. Alors j'ai compris en voyant les étrilles du XVIIe ce que ça voulait dire se faire étriller, parce que je me dis que ça doit faire très mal. Et on en a beaucoup. Ça, c'est la présence du cheval, c'est surtout les étrilles et une quantité importante de fer, mais surtout les étrilles. On a une quantité assez intéressante. Et alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, je vous ai mis quelques références bibliographiques pour si le sujet vous intéresse. Alors, ce n'est pas encore publié de manière extensive, mais ce sera le cas, j'espère, dès l'année prochaine. Il y a quelques articles qui ont été publiés. Alors, j'ai commis un article sur l'archéologie des gardes-sièges, étant consciente du potentiel qu'on avait avec Saint-Germain, où j'ai rassemblé les données un peu plus européennes dans les nouvelles de l'archéologie. Et il y a deux articles dans Archéopage qui ont été récemment publiés, un sur l'architecture, la maçonnerie de terre crue, et un deuxième sur les troupes de cavalerie. Donc ça, c'est plus intéressant. Je vous laisserai consulter ces documents. Ce qui est, alors, un petit insert sur cette gravure, qui est la seule gravure qu'on ait retrouvée dans un almanach, c'est la seule représentation du camp, la seule iconographie du camp. On y voit en arrière ce que je sais. Parce que je sais quasiment où ils se tiennent, c'est le bastion sud-ouest du premier camp, en cours d'attaque, avec les volutes de fumée, les troupes d'infanterie qui se jettent sur la brèche qui a été causée par les bombardements, les canonnages répétés. On devine les piquets, les pics, le bout des pics des piquets là en haut du parapet. Et vous avez évidemment au premier plan la famille royale, le roi qui donne, à mon avis, l'assaut, la famille royale avec le dauphin, etc. Et puis les gardes du corps qui sont les mousquetaires, donc les gardes du corps de Louis XIV. Et alors, j'en finirai là-dessus. C'est un site, vous l'avez compris, qui est assez exceptionnel et qui est vraiment très important parce que pour la première fois, on a une image, on a un discours archéologique sur des pratiques que connaissent bien les historiens, mais que connaissent finalement mal les historiens à partir des sources textuelles et iconographiques parce qu'on est à la fin du XVIIe, à une période où on commence à rationaliser les pratiques militaires, mais on est vraiment dans l'émergence d'une armée de métier et dans l'émergence des pratiques de rationalisation qui sont, à mon avis, grandement le fait de Louvois, entre autres, hein, parce qu'il n'est pas tout seul, et qu'on est vraiment voilà, dans une phase de transition des pratiques militaires de cette armée qui va tenir le haut du pavé, si je peux dire ça, pendant quelques décennies à travers l'Europe. C'est-à-dire qu'on est, enfin, on, je dis on, je m'associe à ça, mais finalement, moi, je ne sais pas si j'en porte l'héritage. En tout cas, la France, à ce moment-là, est un peu, je pense que c'est peut-être à ce période de son histoire où elle a fait peur à la totalité de l'Europe au moment où elle partait en campagne. Donc les troupes qui s'entraînent au Fort Saint-Sébastien sont celles qui vont aller faire la campagne de Lorraine, qui partent en 70, en août 70, pour la campagne de Lorraine, et qui vont un peu plus tard aller vers la Hollande, passer Maastricht, et puis revenir sur Maastricht pour finalement faire le siège qu'on sait glorieux, puisque je crois que le siège, dans mon souvenir, a duré 13 jours, ce qui est un temps record. Donc voilà, on est sur un objet très original, qui à mon avis est appelé à être complètement dépassé, j'espère d'ici 20 ans, quand on aura fouillé plein de choses de ce type-là à travers toute l'Europe. En attendant, aujourd'hui, Saint-Sébastien, c'est sans doute le site de référence en matière d'archéologie de la guerre de siège pour cette période-là, et ça risque de l'être encore pendant peut-être une ou deux décennies. On verra ce que l'avenir nous réserve. Je vous remercie.